Cinquième partie, chapitre 17 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie, chapitre 17. Réponse à deux objections qu'on peut faire sur cette introduction. Le monde vous dira, filoté, que ces avis et ces exercices sont si multipliés que qui voudrait les observer ne pourrait vaquer à autre chose. Hélas, filoté, quand nous n'aurions fait autre chose, nous aurions assez fait, puisque nous aurions fait ce que nous devons faire en ce monde. Mais ne voyez-vous pas la ruse de l'ennemi? S'il fallait chaque jour faire tous ces exercices, véritablement, il nous occuperait entièrement. Or, Dieu ne vous le demande qu'en de certains temps, et en de certaines occasions. Combien y a-t-il de lois civiles dans le digeste et dans le code que l'on doit observer et qu'on ne doit pas observer tous les jours ni en tout temps? Au reste, David, tout roi qu'il était et occupé d'affaires fort difficiles, pratiquait bien plus d'exercices que je ne vous en ai marqué. Saint Louis, si grand roi, pour la guerre et pour la paix, et si appliqué à rendre la justice et à conduire les affaires du royaume, entendait chaque jour deux messes, disait vêpres et complit avec son chapelain, faisait sa méditation, visitait les hôpitaux, se confessait tous les vendredis et prenait la discipline. Il entendait fort souvent la prédication, outre les conférences spirituelles très fréquentes. Et avec tout cela, il ne manqua jamais d'application et d'exactitude à une seule affaire qui fût du bien public. Et sa cour fut encore plus belle et plus florissante qu'elle n'avait jamais été du temps de ses prédécesseurs. Pratiquez donc avec courage ces exercices selon que je vous les ai marqués, et Dieu vous donnera assez de temps et de force pour toutes vos affaires. Oui, quand il devrait arrêter le soleil, comme il fit du temps de Josué, nous faisons toujours assez quand Dieu travaille avec nous. Le monde dira encore que je suppose presque partout que Philoté est le don de l'oraison mentale, et que comme chacun ne l'a pas, cette introduction ne peut pas servir à tous. Je l'avoue, j'ai présupposé cela. Et il est encore vrai que chacun n'a pas le don d'oraison. Mais il est vrai aussi que presque chacun le peut avoir, même les plus grossiers, pourvu qu'ils aient de bons directeurs et que pour l'acquérir, ils veuillent travailler autant que la chose le mérite. Et s'il s'en trouve qu'il n'ait pas ce don au plus petit degré que ce soit, ce que je crois fort rare, un sage directeur leur fera aisément suppléer à ce défaut par l'attention à lire ou à entendre lire les mêmes considérations des méditations. Fin du chapitre 17, cinquième partie.